Voilà, c'est l'intempestive. C'est une chouette terrasse, hein ? Oui, ce sont sur ces terrasses qu'on fait nos rencontres internationales. On a mis 24 pays en réseau sur la Méditerranée. Et on a une aventure qui s'appelle Odyssée. Je vous montrerai à la maquette du porte-hélicoptère qu'on a détourné en embarquant les saltimbanques de toute la Méditerranée pour faire la guerre à la guerre. Voilà, ça c'est mon bonsaï libéré. Salut copain. Il est protégé par vous? Oui. Regarde. Je présente tous mes amis à cet arbre. Depuis ma station en Afrique, j'ai appris à parler aux arbres. Voilà. Il est là depuis le début du théâtre, lui. Ouf, il sera là après, il était là avant, oui. C'est lui qui nous a tous. Alors ici, c'est un espace où on a nos universités populaires, qui s'appelle l'école sous l'arbre, l'été. Et puis là, il y a une construction qui va se faire avec une salle de 250 personnes. Et c'est là où la radio doit revenir. Parce que ça fait 10 ans que j'attends ces travaux et que la radio était là dans ces locaux là, et quand il était question que les travaux se fassent, donc ils ont déménagé et sont allés se réfugier aux friches parce que le garçon Fabrice Lextrait était un gamin, le fils d'un de mes amis que j'avais rencontré à l'hôpital et qui était passionné de radio, donc je lui avais dit de s'occuper de la radio. Il a fait une carrière d'administrateur. Il était administrateur à la friche au moment où la radio devait déménager. Voilà pourquoi elle est allée se réfugier à la friche. D'accord. Et on attendait tous les ans que les travaux se fassent pour faire revenir Radio Grenouille à la maison. Et Radio Grenouille, elle n'est pas encore là parce que les travaux... Mais on a la dalle, on peut inaugurer la dalle déjà. Mais bon, j'ai mis 20 ans pour refaire le tour ski. Je crois que je vais mettre aussi 20 balais pour... Je pourrais plus faire un autre projet de construction. Voilà, pour faire revenir la radio. L'important, c'est qu'elle vive, hein, et qu'elle s'épanouisse. Oui, là, elle serait mieux, à mon avis. Elle serait un petit peu plus insolente, ça serait pas mal. Il y a du Mistral, on parle théâtre et poésie, on parle de Marseille. C'est que pour poursuivre la série d'émissions sur l'histoire des radios libres, on est allé avec Francesca à la rencontre de Richard Martin, fondateur du Théâtre Tourski et de Radio Grenouille. On était en plein festival russe au Théâtre Tourski. Richard Martin nous a offert deux bouteilles de vodka et puis on a continué la visite. Alors je vais vous montrer maintenant le temple, parce que un théâtre, ça vit. Parce que ça a un plateau. Donc là, on est justement obligé, comme on n'a pas l'espace qu'on doit fabriquer, on transforme le hall en... C'est le cabaret se fait dans le hall. Voilà, ouais. Qu'est-ce que c'est ça ? Là, l'écran est descendu parce que la première semaine du festival est consacrée au cinéma. Et pris en charge par Constantin Cherbakov, qui était le ministre de la Culture, avec lequel j'ai réussi à mettre sur pied ce festival il y a maintenant 15 ans, quoi. Voilà. Voilà la bête. C'est là, le Saint des Saints. Ça, peut-être qu'il me met de la musique russe. On a un technicien son qui est russe. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je veux connaître l'histoire de Radio Grenouille. Vu que la radio est dans le théâtre, vous pouvez peut-être déjà commencer par parler de tout ce qui est. Quand est-ce qu'il a été créé ? Oui, parce que c'est le même projet. Donc, j'étais comédien à Paris jusqu'en 68. J'ai même commencé à faire ce métier de saltimbanque avec des comédiens qui étaient plus connus pour leur travail sur la rive droite que sur la rive gauche. Parce que je travaillais avec Bourville, avec Lamoureux. J'avais fait la création du retour de la famille Hernandez. On a fait j'avais 20 ans quand on a commencé à tourner avec cette pièce. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais découvert Marseille, parce que avec cette pièce créée à Paris, on avait fait une tournée en France importante et on a fait les 15 derniers jours d'un théâtre qui s'appelait l'Alcazar à Marseille. Un célèbre théâtre où on devait passer pour faire ses armes. Et donc, à l'occasion de cette station à Marseille, j'ai respiré ce climat qui m'a séduit. Je suis né au bord de la Méditerranée, mais je suis niçois. Et j'aime pas l'ambiance à Nice. Et là, tout d'un coup, au bord de la Méditerranée, qui m'est nécessaire, j'ai trouvé une ambiance qui me correspondait. Et quand après 68, j'ai décidé à Paris de retourner au bord de la Méditerranée, parce que je trouvais absolument con qu'on soit obligé d'aller dans un lieu particulier pour faire ce métier. J'avais compris à ce moment-là que l'usine des gens était dans leur tête et que tout était possible partout et pour qui le voulait. Donc on ne va pas m'interdire de rêver. D'ailleurs c'est marrant parce que Sarkozy, qui tombe un bras raccourci sur 68, a fait sa campagne avec un slogan que j'écrivais sur les palissades de la rue Soufflot. À l'époque, tout devient possible. Quoi. C'est un barjot absolu. Ça veut dire que personne ne s'est souvenu de ça. On aurait dû le lui dire. Tiens, c'est une curieuse façon de taper sur 68. Pour moi, c'est plutôt un hommage rendu à ce souffle poétique qui a fait fleurir les slogans qui sont d'une actualité d'ailleurs, qui continuent d'être d'une actualité cuisante. On ferait mieux de s'en rendre compte. Enfin, toujours est-il que grâce à ce moment où je me suis un peu mêlé de ces affaires avec les forums de l'Odéon, quand les choses sont retombées, j'ai décidé de fabriquer une aventure de théâtre populaire et je suis venu sur les traces d'une compagnie qui s'appelait le Théâtre Quotidien de Marseille, TQM, qui a vu les premiers pas de Vial, de Mono, de Vitesse. Vitesse a commencé à faire du théâtre ici, dans cette troupe Théâtre Quotidien de Marseille, qui était dirigée par Michel Fontaine. J'avais eu connaissance de cette aventure parce qu'il avait pris des positions assez courageuses pendant la guerre d'Algérie et qu'à un moment donné, il m'avait téléphoné pour voir s'il voulait faire une saison avec eux. Mais à ce moment-là, j'étais comédien parisien et il n'était pas question de partir en tournée quand on avait, avec toutes les difficultés qu'on peut comprendre, pour s'y installer. J'avais pas du tout envie de recommencer, donc j'ai refusé cette tournée. Mais grâce à cette proposition, j'ai essayé d'en savoir davantage sur cette action. Et quand je suis venu en 68 à Marseille, c'est un peu sur les traces de cette aventure qui était morte parce qu'elle n'avait pas eu le bonheur de plaire aux politiques du moment. C'est toujours encore cette vieille histoire entre les saltimbanques et les politiques, je crois que ça ne sera jamais fini. Mais enfin, ça fait des dégâts. Et c'est d'ailleurs le théâtre Tourski. Je l'ai cherché parce que je savais qu'ils étaient morts dans une salle qui s'appelait Salle Célan, dans ce quartier qui était un fief communiste à l'époque et qui était donc justement abandonné par Gaston Defferre qui ne pouvait pas supporter les communistes. Donc rien n'était fait ici pour améliorer ce quartier. Et donc ils n'ont pas tenu non plus, ils sont partis. Et quand j'ai décidé de venir à Marseille, c'était dans l'idée de retrouver un peu l'aventure, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une passation, un relais, l'aventure de ce TQM qui était vraiment un projet authentique, avec du sens, alors qu'on était en plein dans la gloire pagnolesque, qu'en dehors de Pagnol, personne n'imaginait que quoi que ce soit d'autre se fasse ici. Et moi, j'ai commencé avec ma compagne de l'époque, Tania Sourceva, qui est la mère de mon fils, qui donc avait aussi abandonné. C'était une comédienne plus classique, puisqu'elle a fait partie de la comédie française, et moi j'étais plus sauvage. Mais je l'ai entraînée quand même dans mon aventure. J'ai trouvé le petit théâtre où avait commencé le TQM, le Théâtre Massalia. Et donc j'ai pris ce petit théâtre pendant 2 ans. J'ai joué pendant une saison entière, pendant 9 mois, j'ai joué le journal d'un fou tout seul, mise en scène par ma compagne. Et c'était la seule aventure théâtrale à Marseille. Il n'y avait pas d'autre. Il y avait le théâtre du Gymnase, qui était un théâtre privé, qui ouvrait pour les galas Carcenti ou des concerts de variété. Mais il n'y avait pas, pendant 1 an, j'étais la seule action de saltimbanque régulière. Donc c'était à nouveau le théâtre quotidien de Marseille. Et au bout d'un certain temps, des saltimbanques qui ont vu de la lumière se sont rapprochés. On s'est rendu compte que j'étais pas tout seul, bien que ça a été difficile, parce que quelquefois je jouais, étant même la seule aventure théâtrale à Marseille, je jouais devant un spectateur. Tu vois, il y en avait un sur le plateau, un dans la salle. Et petit à petit, ça s'est amélioré. Grâce notamment à l'intervention d'une jeune fille dont je me souviendrai toujours, mais je ne sais pas qui elle est, mais je garde dans ma tête et je la trimballe. C'était une jeune fille qui avait vu mon spectacle et qui, me voyant rentrer à 21h, à l'heure où je devais travailler sur la Canebière, se demandant ce que je faisais là, elle me pose la question et je lui explique que pour la première fois, c'est d'ailleurs la seule fois, j'en avais même pas eu un, pas du tout, donc je rentrais à la maison parce que j'avais pas de spectateur. Et j'ai vu cette fille qui, tout d'un coup, a blanchi, quoi. Elle était vraiment malheureuse de cette situation, à tel point que je lui ai dit, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger, quoi. C'est pas un problème. Bien que je me posais quand même à ce moment-là des questions sur le sens de mon histoire, en me disant, mais attends... C'est peut-être purement intellectuel, mon truc, quoi. Parce que je voulais faire un théâtre populaire qui échappe un peu à l'aventure de Villard, qui, elle, était dirigée essentiellement vers les syndicalistes, les gens qui avaient déjà une conscience politique, les instituteurs, en fait, tout ça. Moi, je voulais que ce soit les loubards qui aillent, les gens qui pensent que ça leur est interdit, et les gens qui ont peur d'y aller parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était de faire un théâtre qui soit accessible à tous, parce que quand je travaillais avec Bourvil, je voyais qu'il y avait... J'ai travaillé dans un théâtre qui s'appelait l'Alhambra. Il y avait 2500 personnes tous les soirs. Pendant des mois, il y avait 2500 personnes. Et après, quand j'ai décidé d'aller faire quelque chose, de travailler sur la rive gauche dans des théâtres avec des répertoires différents, ben je me suis rendu compte que on faisait 30 représentations syndicales et on rentrait à la maison. Et puis là, je me suis commencé à me poser des problèmes sur le public. Alors je m'en posais pas. J'étais tellement heureux déjà de faire mon métier, alors qu'il avait fallu que je couche sur des bouches de métro pour pouvoir survivre au début quand je suis arrivé à Paris. Donc pendant un certain temps, j'étais tout simplement heureux de pouvoir être dans un théâtre, faire mon métier, gagner ma vie, alors que je voyais des comédiens qui ont mon âge maintenant et qui ne travaillaient pas. Et puis, petit à petit, je me suis posé des questions. C'est comme ça que je suis passé sur la rive gauche, c'est comme ça que je me suis posé des questions sur le public, des questions sur les répertoires, des questions sur moi-même, sur les choses, sur la vie, sur les poètes. J'étais déjà très, très compagnon de Ferré, puisque quand les choses n'allaient pas adolescent, je mettais mon micro-sillon et j'avais... J'avais un copain poète qui comme béquille. Et je dis ça parce qu'après, Ferré va jouer un rôle dans notre histoire. Et donc, après 68, je décide de venir ici à Marseille, au bord de la Méditerranée, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure.

qui soit un spectacle intelligent, mais pas hermétique, justement pour essayer d'amener un public assez large. Je dis, je vais monter l'île des chèvres du Gobetti, et on était donc 9 sur l'aventure. Et j'ai dit au directeur qui me cédait son théâtre, ce vieux monsieur avec lequel je partageais les recettes, je lui ai dit, ben maintenant on va partager les recettes en 10. Il m'a dit, vous partagez votre part, pas la mienne. Alors je lui ai dit, j'étais très radical à ce moment monté, j'ai dit, ben, comme ça monsieur, je vous laisse. Et je vais poursuivre mon aventure en allant au plus près encore des quartiers populaires. Je vais aller me planter au milieu des HLM et je vais fabriquer mon théâtre là-bas. Voilà pourquoi je suis arrivé ici. Et que le jour où j'ai mis les pieds dans ce qui était... Parce que là, par exemple, on était ça n'existait pas, ça, c'était en plein air, ça. Ça, c'est une construction par la suite. Il y avait juste la boîte du théâtre, sans gradin, c'était en plein pied. C'est une espèce de boîte, quoi, hein, assez haute, un peu cathédrale, où il y avait de la réverb. Pour ça que j'avais été obligé de mettre 6000 plaques d'œufs sur les murs pour commencer à pouvoir travailler. Qu'il a fallu que j'enlève, parce qu'après, il y a eu un incendie à Saint-Laurent-du-Pont. Il y avait on m'a fait enlever les plaques d'œufs pour l'incendie. Enfin, les aventures. Il faudrait des journées pour qu'on parle de chacune. J'essaie de synthétiser, d'aller vite pour que vous ayez une idée un peu de ce qui se passe ici et pourquoi on existe. Et donc, le jour où j'ai mis les pieds là, dans cet espace qui s'appelait Salle Célan, et où avait fini le TQM, un poète peu connu dans cette gloire qui était pagnolesque, qui tenait encore la lanterne à la main, qui faisait partie de la bande des surréalistes, un poète qui s'appelait Tursky, a un accident, rentre dans un camion parce qu'il buvait beaucoup, et des fois à 5 heures du matin, il disait à sa voiture de rentrer toute seule. Et ça, ce coup-ci... Elle a épousé un camion et il y est resté. Donc il est mort le jour où je suis rentré là-dedans. Et pour faire un pied de nez à tous ces connards, j'ai dit, voilà, on va mettre le nom de ce poète sur le résistant sur le théâtre. J'ai pris une grande échelle et j'ai marqué Tursky. Voilà, pourquoi Tursky. Et donc on a commencé à ouvrir ce théâtre avec Léo Ferré, ami de Francis Livon, lequel Francis Livon avait téléphoné à Léo pour lui dire « Mais j'ai un copain fou, il va te plaire, il fabrique cette aventure à Marseille, il faut vraiment que tu viennes ouvrir le théâtre avec lui. » Et Léo a répondu présent. Et donc, dès l'ouverture, il était là, on a ouvert le théâtre avec lui. Je suis très heureux maintenant que la rue soit promenade Léo Ferré. On a réussi in extremis à faire passer ça au conseil municipal avant que Robert Vigouroux, qui était mon ami et qui a été maire de cette ville, finisse son mandat. Donc maintenant on a deux poètes ici. Et j'espère qu'avec la nouvelle salle qui ne tardera pas, on en aura un troisième. Oui, il s'appelle Émile Lottiano. Émile Lottiano, c'est un grand réalisateur russe de mes amis qui est venu longtemps présenter ses films et qui est un poète magnifique et donc qui est décédé et que je veux petit à petit comme ça venir à un cimetière de poètes, c'est toujours vivant. Voilà, oui. Alors... Et donc après, là je vous parle de 70 et maintenant on fait un saut jusqu'en 81, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. 81, dans l'air il y a cette libération des... On n'attend pas que ce soit libre, j'achète un émetteur à l'armée, je mets l'émetteur sur le truc et on émet, on fait partie des premiers à émettre. Radio libre. Donc Radio Grenouille, à l'époque, celle surtout ici, on était enclavé. On était donc, parce que même là, vous avez vu, on peut rentrer dans l'impasse qui est large, mais parce que j'ai fait, J'ai fait creuser la rue pour que les voitures puissent se garer, mais avant, c'était une petite impasse, comme ça. C'était très difficile d'accès. Donc, on a eu le temps de faire creuser tout ça. Et grâce à Léo Ferré, à plein de copains comme Barbara, Nougaro, Félix Leclerc, Gianni Esposito, je ne suis pas sûr ce qu'ils peuvent vous dire quelque chose maintenant pour, à vous, mais ce sont des compagnons formidables. Je crois que Colette Magny, De Vos, Bedos, tous ces copains sont venus me donner un coup de main. Donc le théâtre a tenu, il a tenu bon an, mal an, grâce à eux. Et puis à un moment donné, on n'a pas racheté des aventures officielles. Et puis petit à petit, j'ai eu des difficultés. Et donc il a fallu que je fasse, à ce moment-là, une grève de la faim, suspendue à la façade du théâtre pendant 11 jours pour que mon théâtre survive. Et j'ai eu gain de cause. Et le ministère a reconnu notre action. Et donc on a pu respirer. On ne s'est pas fait éjecter comme ça avait été programmé. Et donc la gauche est arrivée tout de suite après. Et puis il y a eu la libération des ondes, et moi j'ai dit mais c'est la fenêtre idéale pour nous, parce qu'en plus avec la montée du Front National ici, que j'ai toujours combattu comme un dingue, je me suis dit que voilà, ce sera un outil, ça risque d'être un outil formidable pour pouvoir ensuite dire ce qu'on a à dire, et si les choses devenaient dangereuses, avoir cette fenêtre, une porte de secours. Et que je voulais insolente, à la portée de tous, et donner la parole à tous ceux qui ne l'avaient pas eu depuis si longtemps. Et une chose dont je suis assez fier, le mot est un peu con, mais content, joyeux, c'est d'avoir été quasiment le premier à fabriquer Radio Tolar. Donc ce qui m'a valu d'ailleurs d'aller me faire foutre en prison, parce qu'on pensait que je faisais passer des informations codées. Et heureusement qu'à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, c'était Gaston Defferre. Et Gaston Defferre me connaissait, bien sûr. Donc ça s'est arrêté là. On a pu poursuivre nos émissions en direction des Tolars, mais on avait fait un sacré boulot avec un de mes copains d'alors, précieux, qui se battait aussi beaucoup pour défendre, entre guillemets, la veuve et l'orphelin. Il s'agit de Gilbert Collard, qui à l'époque était extrêmement fervent et qui avait soulevé des problèmes, des grâces médicales. Et puis un avocat que je respecte et que je continue à respecter, qui s'appelle Valera, Jean-Claude Valera, qui aussi était venu dire tout ce qui se passait. Et on a fait un peu avancer la machine avec cette émission. Radio Tolar, c'était une des émissions sur Radio Grenouille au départ ? Oui. C'était une des émissions. Il y avait Radio Trottoir, il y avait Tout le monde est important, il y avait Radio Tolar. Et j'avais fait revenir un de mes amis qui s'appelle Jacques Hansen, qui est un comédien que l'on voit assez souvent à la télévision, mais qui à l'époque faisait surtout de la radio et qui était à la Martinique. Il était engagé par Radio France Martinique. Quand j'ai eu l'outil, je lui ai dit « Jacques, viens, on a la radio, viens. » Il a tout abandonné, il est venu là, mais avec mon émetteur de l'armée, je me suis fait arnaquer. On émettait sur les 500 mètres alentour, il y avait la concierge qui me disait « Mais monsieur Martin, j'entends Radio Monte Carlo, mais je vous entends pas. » Podophonique, c'est le pied. Le pied dans tous ses états. Sur le pied. Podophonique. C'est un pied énorme. Toutes les nanas qui essayent, elles prennent leur pied. Mon pied est un as. C'est pas mon truc, le pied. Podophonique, une chronique à marcher sur la tête. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes en direct d'un cabinet de podologie pour assister dans quelques instants maintenant à l'analyse des mouvements d'un pied lors de la marche par la méthode podo-vidéographique. Un patient a été placé sur un tapis roulant et ses pieds ont été filmés. Rappelons que la marche normale est un mouvement cyclique qui comprend une phase de réception par le talon postérieur, une phase d'appui plantaire, une phase de propulsion par l'avant-pied et une phase pendulaire pour ensuite recommencer par une phase de réception de l'arrière-pied. Attention au départ, le film de la marche de notre patient est relu au ralenti et c'est parti. Le talon postérieur se présente au contact du sol par son bord postéro externe, aidé par un gros travail d'équipe des releveurs de l'avant-pied. L'extenseur propre du gros orteil est le plus actif dans cette action, de manière à placer l'ensemble du pied en supination. Nous assistons à une phase d'amorti de grande qualité. Est-ce que les muscles releveurs vont pouvoir soutenir leur effort ou relâcher l'avant-pied qui risque de percuter le sol? Oui, leur travail est très efficace. Déposant délicatement l'avant-pied, il est temps maintenant pour eux de passer le relais au jambier intérieur qui, par un travail synergique avec le jambier postérieur et grâce au ligament interne de la cheville, le deltoïdien, dont le grand ligament plantaire et la charte carrée du sylvius vont éviter la pronation du médio-pied et l'aplatissement de la voûte plantaire. Le poids du corps est maintenant entièrement supporté par ce pied qui ne s'en laisse pas compter et qui résiste formidablement bien grâce à la mobilisation de tout le système musculaire intrinsèque, tandis que le talon postérieur est en train de se soulever par un travail très intelligent du jambier postérieur qui cède au maximum de l'énergie cinétique et conserve ses muscles jumeaux en tant que réservoir de puissance pour des sols plus inclinés ou pour faire du vélo. Le pied se retrouve maintenant sur son appui antérieur alors qu'on aperçoit le pied opposé qui vient de prendre contact avec le sol. C'est le moment d'agir pour les muscles courts et longs fibulaires qui étaient en embuscade jusque-là et qui décident de prendre les choses en main, qui vont plaquer la première tête métatarsienne au sol tout en participant au décollement de la cinquième. La force engendrée entretient la vitesse de déplacement du patient en le propulsant à 3 km/h au moins. Le pied quitte le sol par une triple flexion de la hanche, du genou et de la cheville, croise le membre portant. Enfin, la jambe se tend sous la cuisse et le pied retrouve le sol par son talon postérieur. Beau travail d'équipe de tous ces groupes musculaires pour une prestation quasi parfaite qui aura ravi, j'en suis sûr, tous les amateurs de ce fantastique mouvement. C'était en direct pour Podoscopie. À vous, les studios. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'intempestive. C'était un extrait de l'antenne actuelle de Radio Grenouille, qui est donc une radio de création basée à Marseille. On revient tout de suite avec Richard Martin, son fondateur, qui nous parle des tout débuts de la radio. Ce qui était formidable, c'est qu'on émettait du plateau directement. Et par exemple, on a pu faire passer les concerts de Léo en direct, les concerts de Vassilou, plein de copains qui venaient travailler sur le plateau. Tout passait en direct, sauvagement, comme ça, d'une belle façon. Il y avait un souffle libertaire formidable, d'ailleurs, à partir de ces temps-là, qu'on a installé dans nos programmations une nuit qui est une nuit de l'anarchie symbolique. C'était plutôt dans ce climat-là, et tout le monde pouvait s'exprimer. C'était formidable. Petit à petit, les choses se sont un peu transformées. Puis j'ai pensé que la radio allait pouvoir bénéficier de nouveaux studios, puisqu'elle était passée d'ailleurs du placard du plateau ici dans des locaux qui étaient aménagés pour ça ici. Et puis les travaux devant se faire pour le Café Musique, ce qui était le Café Musile à l'époque, le projet Café Musique avec le studio de radio, puisque la radio était intégrée à ce projet pour que l'on puisse faire passer aussi en direct toutes les manifestations musicales de la programmation du Café Musique. Et puis depuis toujours, je me suis mis dans des situations un peu en porte-à-faux, parce que même avec mes propres amis politiques, je leur ai toujours dit ce que je pensais. Donc ça, c'est souvent difficile à gérer. Donc les choses se retardent, les choses se font pas. Un coup, il y a la sympathie, un coup, il n'y a plus la sympathie. Un coup, vous êtes dans la lumière, un autre coup, on vous met au piquet. Voilà, bon, voilà. Et nous, on doit négocier, naviguer là-dedans, essayer de faire avec, c'est pas simple. Donc, c'est vrai qu'on a décidé d'y injecter notre vie. Maintenant, je vois, ça fait 40 balais que je me bats ici dans cette ville. Bon, c'est pas un plan de carrière, bien que j'en sois pas au stade des bilans, mais qu'au contraire, j'ai toujours des rêveries en avance. Et je, tout en labourant dans les mêmes terrains, parce que je pense que le développement culturel populaire, c'est un fondamental, que tout être humain a droit à l'entière croissance et que ça, personne ne pourra aller à l'encontre de ce qui est, à mon avis, un droit fort et que l'humanité doit défendre et même doit exiger de l'humanité d'être secondée dans son effort, hein, l'être humain. Et cette pensée de Jaurès, moi, ne me quitte pas, je suis sûr qu'il a raison, et je continue à labourer dans ce terrain, quitte à passer pour un imbécile. Mais jusqu'à présent, personne ne m'a fait entendre le bruit d'une autre vérité, et tant que j'entends, que j'ai ce son dans les oreilles, je poursuis. Est-ce que vous pouvez nous redire donc pourquoi vous aviez appelé Radio Grenouille, Grenouille? Alors, avant la Révolution, les seigneurs faisaient battre les douves de leurs châteaux, les étangs, les douves, pour qu'ils puissent dormir la nuit tranquille, car les grenouilles ouvraient leur gueule et ça faisait un sacré tintamarre. Après la Révolution, il s'est passé quand même quelque chose avec cette Révolution. On est malheureusement encore dessus, on aurait pu avancer davantage, mais au moins ça, on sait que ça a existé et que, bon, l'abolition des privilèges et les seigneurs n'ont plus emmerdé leurs domestiques, n'ont plus pu les emmerder, et les grenouilles ont pu chanter, ouvrir leur gueule en tout cas, et empêcher les connards de dormir. Bon, et voilà Radio Grenouille, parce que souvent on se demande, tiens, quelle est, c'est curieux, c'est cette radio météorologique, non, c'est pas la radio de Rostand, c'est une radio révolutionnaire, que j'aurais voulu révolutionnaire, mais il faut avoir un tel talent. Et là, en tout cas, elle est belle, elle est culturelle, elle trouve des musiques rares, donc elle poursuit ce travail exemplaire. J'espère que quand elle reviendra à la maison, elle sera un peu plus insolente, quoique elle commence parfois à l'être. Il y a quelques journalistes capables de le faire. Maintenant, l'insolence demande beaucoup plus de talent que... Il faut avoir des journalistes d'une force, d'une poésie exceptionnelle pour pouvoir se permettre de gifler les imbéciles à l'antenne. Parce que sinon, ça devient vulgaire au premier degré et inutile parce que ça change rien. Donc il faut vraiment des intelligences rares, des poètes formidables. Et ça, ben, ça se trouve pas toujours dans les radios libres. Et quand on les trouve, malheureusement, ils s'échappent. Voilà. Mais bon, là, je veux rendre hommage à toute cette équipe qui continue à garder l'antenne ouverte, ce qui est déjà miraculeux. Non, et d'ailleurs, la plupart ne me connaissent pas. Ils ne connaissent même pas l'histoire depuis qu'ils ont quitté ici. Ils pensent que c'est la radio des friches. Et ils connaissent pas l'histoire. Tant pis pour eux. Bon, ça change rien à ce qu'ils vont dire à l'antenne, et c'est bien le principal. Mais les aventures ont des histoires. Et c'est important qu'elles soient racontées, les histoires, parce que ça, tout se fait. Bon, par exemple, le festival russe, c'est une histoire d'amour aussi. C'est parce que j'ai rencontré des saltimbanques russes au Caire et que le travail formidable de ces gens m'ont donné envie d'aller les retrouver à Moscou, d'en savoir davantage et de décider, à partir de leur répertoire, de montrer à Marseille, à mes amis, le travail de saltimbanques russes, qui est un travail essentiel, qui sont les maîtres de l'art dramatique, quoi. Et donc, bonjour la leçon, quoi. Mais quand on a des gens qui sont capables de vous filer des leçons, ben, il faut l'offrir, la leçon. Et c'est, voilà pourquoi cette histoire du festival aussi est une histoire d'amour. Toutes les histoires qui se fabriquent sont des histoires d'amour. Et elle raconte pas que des histoires d'amour, mais elle raconte l'histoire. Et moi, je suis témoin depuis 40 ans du développement culturel de cette ville. Je peux vous dire qu'entre ce que les journalistes racontent comme conneries et la vérité et le témoignage d'un vécu, il y a un fossé, quoi. On a envie, chaque fois, moi, ça me révolte pas, ça me fait rire, tout ce que je peux entendre. Mais enfin, je crois qu'un jour, il faudra l'écrire, l'histoire. Parce que il y a des vérités qui doivent s'imposer. Je le ferai, mais le problème pour moi, c'est que quand je commence à penser que je vais écrire les choses qui ont existé, j'ai l'impression de mourir et de me dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire le bilan alors que je vais mourir enfant et que j'ai 1000 projets devant et j'en ai et mes souvenirs sont des récits, mais des récits à partager pour la joie de la rencontre, mais pas, ce ne sont pas des choses qui se gravent et qui sont graves. Donc, alors je suis gêné dans un entre, je suis un peu, j'ai un peu le cul entre deux chaises en me disant mais il faut l'écrire cette putain d'histoire. Et puis on a dit qu'est-ce que ça fait, mais qu'est-ce qu'on a écrit, on a les scénarii à faire fleurir. Et voilà, j'ai encore combien d'aventures extraordinaires à mener, je l'espère. C'est une idée. Bon, ben, je pense que Radio Grenouille n'a pas eu. Ils sont libres de proposer l'émission qu'ils veulent. Mais bon, Radio Grenouille parle beaucoup des théâtres, mais très peu d'une autre. Curieusement, je travaille. Alors, j'ai ce genre d'amitié-là, je l'ai avec une radio qui s'appelle Radio Zinzine. Une radio Zinzine avec qui. J'ai beaucoup de, pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse. Et on a fait une histoire de Radio Zinzine la dernière fois. Eux, oui, viennent me voir. Bon, c'est-à-dire, eux connaissent l'histoire de Radio Grenouille, ils connaissent toutes les histoires, ils connaissent l'histoire de ce théâtre. Voilà. Justement, est-ce que, au départ, Radio Grenouille, donc elle est très liée à la création du théâtre Tourski, est-ce qu'il y avait un lien quand même avec l'ensemble du mouvement des radios libres? Oui. Ou est-ce qu'elle est, est-ce que par exemple vous travaillez à ce moment-là? Grâce à Sonsin. C'est Jacques Sonsin qui a fait le lien avec les radios libres. Parce que même le premier commissaire aux comptes que j'ai rencontré, c'est Sonsin qui me l'a fait rencontrer. On est allé à Nice avec lui parce qu'il fallait trouver, moi, chercher un commissaire aux comptes. Heureusement que Jacques, lui, était un peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on prenne le micro, qu'on dise aux gens, voilà ce qui se passe, venez, je me souviens, ici, dans cette cité là, que vous voyez, qui s'appelle Bellevue, qui est une des cités les plus difficiles de Marseille, à un moment donné, elle a été encerclée par les chauffeurs de taxi avec des revolvers, des trucs comme ça, qui faisaient la chasse à l'enfant. Et moi, parce qu'il y avait un gamin de cette cité qui avait dû faire une connerie, donc ils avaient pris toute la cité en otage, ils cherchaient le truc, c'était devenu, et moi je suis parti avec mon agra, et je pouvais rentrer dans cet endroit, je me connaissais, j'avais quelques sympathies, donc je suis allé faire un reportage, et je disais exactement ce qui se passait, etc. Après, quand je suis revenu au studio, les chauffeurs de taxi étaient là. Ils faisaient ils encerclaient, c'était plus la Bellevue qu'ils encerclaient, c'est moi qui étais pris en otage ici. Ce sont des aventures formidables. Mesdames et messieurs, le microphone parcourt actuellement les chantiers en quête d'images sonores. Encore des trous, toujours des trous, les mêmes trous. Un vieux kermique qui serait rongé. Rien que de tout. Où ce que tu es ma belle cité, qu'une bande de slures dévastée. Des trous profonds, des trous sans fond, des trous partout. Un vieux gruyère, moi je te dis. Plein de trous. On t'exproprie, on t'enlaidit, moi je te dis. C'est Bruxelles, capitale de l'Europe. Ah. Bonsoir à tous. La Grenouille vous offre un week-end un peu spécial entre Marseille et Bruxelles avec le collectif Ici Même qui propose un cinéma radio-guidé à Belzunce et dans le quartier bruxellois des Marolles et avec l'Embobineuse qui projette dans le cadre de son festival belge deux films qui décortiquent ce que les sociologues appellent gentrification et ce que les tenants du processus préfèrent nommer réhabilitation, rénovation ou revitalisation de quartiers populaires. Comme La Grenouille s'intéresse particulièrement à ces questions de transformation urbaine, c'est l'occasion de consacrer une émission spéciale à ce sujet brûlant d'actualité à Marseille, à Bruxelles et finalement dans toutes les métropoles occidentales. Alors, la gentrification, qu'est-ce que c'est ? Ce mot vient de l'anglais « gentry » qui désigne l'aristocratie et donc on pourrait traduire « gentrification » par « embourgeoisement ». En fait, la gentrification, c'est le processus de transformation de quartiers populaires en quartiers chics ou, en d'autres termes, en petit Manhattan, bien propre et bien luxueux. Il faut noter qu'en anglais, ce n'est pas du tout péjoratif, mais en français, on préfère employer un lexique qui cache la finalité de ce processus, qui est de remplacer donc les classes populaires par des classes supérieures. Pendant cette émission, nous allons tâcher de décrire les dessous de la gentrification. Et puis, comme nous sommes en compagnie d'artistes, nous essaierons de sortir de la langue de bois pour nous interroger sur le rôle de la culture dans ce processus. Les artistes installés dans des quartiers populaires comme la Belle de Mai ou Belzunce ne sont-ils pas, malgré eux, gentrificateurs ? Si vous voulez écouter la suite du débat, il faudra que vous alliez faire un tour sur le site de Radio Grenouille où j'ai trouvé cette archive. La question de la rénovation urbaine, c'en est une qu'on connaît assez bien d'ailleurs dans le quartier de Stalingrad où se trouve Fréquence Paris Pluriel. On en avait discuté avec Radio Grenouille lorsque l'équipe était venue à Paris lors d'un festival Grenouille Capitale. Mais on revient tout de suite avec Richard Martin, directeur du Théâtre Tourski et fondateur de La Grenouille. Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres radios ? Par exemple, Radio Galère, on les a rencontrés. Oui, Radio Galère, mais c'est aussi où il y a Étienne à Radio Galère avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai beaucoup de tendresse, mais essentiellement Jacques Sonsin. Moi, mon compagnon de route, c'était Sonsin, après l'organisation des radios. Vous avez fait partie d'une fédération de radio libre, par exemple. Faut le demander à Jacques, il a dû me faire mettre quelque part, oui, je crois, oui. Mais j'y suis allé par tendresse, parce qu'il me disait, il faut faire ça, je fais ça. Parce que c'est un problème de confiance, un truc, mais... J'avoue, ma faiblesse dans ce bloc, je suis capable de me battre très fort hein, pour certains trucs, mais là... C'est malheureusement un côté un peu anard qui fait que j'ai du tels qu'ils sont quoi, ouais, hein, ouais. Tels qu'ils sont. Si le syndicat, alors je le rêve comme anarcho-syndicaliste quoi. Hein. Mais dans cet esprit-là, je veux dire, c'est pas le regroupement corporatiste, truc comme ça, ça me. J'ai une petite question. Mais est-ce que les déménagements des radios galères d'ici et des radios galères, pardon, des radios de nous du théâtre à la Friche de la Démée, ont une influence sur la programmation ? Parce que justement, je pense qu'avant, oui. Il était plus insolent. Oui. C'est pour ça que j'ai fait cette... bon, il y a une évolution normale aussi, parce que toutes ces aventures sont des aventures qui ont des fulgurances, des étincelles, mais qui sont forcément maladroites au départ. Et petit à petit, les tirs se rectifient. Là, elle est devenue beaucoup plus propre, beaucoup plus carrée, organisée. C'est une radio, ça devient une radio professionnelle. Mais c'est vrai que si elle était restée ici, elle aurait fréquenté forcément des gens un peu plus poètes, un peu plus sauvages, un peu plus rebelles. Oui, rebelle, c'est le mot. Peut-être elle est moins rebelle que ce que... peut-être que c'est pas nécessaire qu'elle soit rebelle. C'est pas... bon, de toute façon... Peut-être c'est parce qu'elle est... C'est peut-être pour ça qu'elle a pu s'épanouir et avancer. C'est peut-être moi qui ai une nostalgie de vieux 68 tard et... Et c'est peut-être pas bien non plus. Donc ça, tout ça, on peut tous se poser des questions. Mais bon. Elle a été légalisée en quelle année, Radio Grenouille ? Je me rappelle plus. Et alors en plus, il y a un truc, là, que... vraiment, les dates. Pour moi, les seules dates qui sont des jalons et des repères, c'est pour ça que le temps n'existe pas, c'est les créations théâtrales. Je sais que telle création s'est faite après telle création, mais je ne sais même pas les années. Et je veux dire que j'en ai rien à foutre. Ce qui me permet d'avoir l'impression de ne pas vieillir. Et comme dedans, non, je suis aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais mourir enfant, j'ai 14, donc 17 ans. Mais justement, parce qu'en fait, le passage généralement à une antenne qui est reconnue par les institutions, etc., ça fait que la grille se structure de manière beaucoup plus serrée. Il y a une équipe permanente qui commence à intervenir sur l'antenne. Ça s'est passé comment pour Radio Grenouille, ce passage-là ? Non, je veux dire que Fabrice est quand même un garçon très organisé et très structuré, que je soupçonne d'ailleurs d'être au fond, mais très au fond, libertaire. Mais qui, de par son école, de par ses fonctions d'administration, etc., a été obligé d'avoir une rigueur qui cadre les choses. Et d'ailleurs, moi, le seul talent que j'ai eu, c'est de lui confier cette radio. Maintenant, c'est Julie qui s'occupe de la radio, que je connais moins, mais qui me semble être une fille formidable. Après, c'est quoi les grandes évolutions de l'antenne, à part le déménagement dont vous avez parlé, etc. Je crois qu'il y a des choses qui se font sur le plan international qui me semblent très très très intéressantes aussi. Je crois qu'on a là à peu près les mêmes orientations, c'est-à-dire sur les biennales, les rencontres de jeunes créateurs, Je crois que là, Radio Grenouille est toujours présente sur ces moments qui sont des moments de partage forts. Ils participent quand même à la vie de la cité et dans les périodes électorales, dans les périodes de disputes ou dans les périodes de réflexion, ils sont présents. Moi, j'avais envie à l'époque parce que j'ai beaucoup travaillé au Québec et il y a Radio Laval à Montréal. Et j'aurais aimé que Radio Grenouille soit associée à cette radio universitaire à Québec. Et bon, on a fait quelques émissions à l'époque, mais on n'avait pas les moyens de poursuivre cette opération. Il faut dire aussi que c'est toujours la galère pour trouver les 4 sous qui manquent pour arriver à boucler, quoi. Ça doit être le même problème pour vous. Donc là, c'est vrai que les politiques, en plus les politiques culturelles, sont de plus en plus dans les fumées, quoi. Et que... Avant que les politiques comprennent qu'il faut porter, arroser, soutenir, faire fleurir toutes ces aventures-là et non pas les étouffer, on a encore quelques générations à faire passer. C'est pas demain. Et vous, quand vous nous parlez de faire revenir Radio Grenouille ici, c'est-à-dire vous voyez comment... Qu'il y ait un studio ici et que je marque, comme il y a un théâtre Tourski sur la façade, si vous prenez un avion, vous prenez l'autoroute là, alors vous avez une grande phrase de Léo sur le mur ici qui dit « Nous donnons l'alarme avec des cris d'oiseaux » en parlant des artistes. Et il y a marqué à 1 kilomètre de l'entrée de Marseille, c'est même pas 1 kilomètre de la gare, il y a marqué théâtre. Voilà, c'est ce que je voulais qu'il y ait. Et alors, s'il y avait Radio Grenouille aussi, que les gens se posent des questions, comme vous me l'avez posé sur pourquoi Radio Grenouille, et qu'ils comprennent que il faut laisser les grenouilles gueuler. Et ça signifierait quoi pour vous par rapport à la, par rapport au fait d'avoir vu, avoir fait naître Radio Grenouille à l'intérieur de CS, puis après qu'elle soit partie, qu'elle ait pris de l'indépendance, y compris en termes de... Mais elle avait l'indépendance ici, hein. Elle est partie géographiquement, mais j'ai toujours laissé, à partir du moment où vous confiez à quelqu'un la direction d'un lieu, vous le laissez libre. Mais ce que je veux dire, c'est ça voudrait dire quoi pour vous? Ça signifie quoi pour vous de faire de la radio libre aujourd'hui, par exemple, si Radio Grenouille revient ici, par rapport à la période dans laquelle, enfin d'ébullition, dans laquelle elle a été créée, ce moment de prise de parole? Je reste toujours sur la même, que la radio soit très liée au théâtre, parce que pour moi, même dans les statuts, c'était la radio du théâtre. C'est la radio, dans les statuts de Radio Grenouille, c'est la fenêtre du théâtre. Mais nous, saltimbanques ici libres, nous sommes des citoyens aussi prêts, comme les grenouilles, à ouvrir notre gueule. Et j'ai toujours pensé, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est peut-être complètement stupide, je me suis dit qu'un jour ça devait servir de façon citoyenne. Et que bon, là, c'est vrai que dans cette espèce de... pour se faire entendre dans ce climat de bêtises qui même va vers la barbarie, mais où on ne s'en rend pas bien compte de la situation, très difficile de faire mouche. Mais à des moments qui peuvent être plus évidemment dangereux et où plus évidemment on peut dire les choses, quoi. Donc je me suis dit, bon, cette espèce de veille, c'est une veilleuse. Voilà, ce serait le sens de la radio ici au Tourski, c'est qu'elle poursuivrait, comme nous le poursuivons nous-mêmes, ce travail de phare et de veilleuse, quoi. Le théâtre serait un phare et la radio une veilleuse. Ça reste dans la tête du poète. C'est donc dans la tête du poète que se terminera aujourd'hui l'intempestive. On parlait avec Richard Martin, directeur du théâtre Tourski à Marseille et fondateur de Radio Grenouille. Cette émission sera rediffusée lundi à 11h sur FPP. Elle sera ensuite disponible sur www.intempestive.net. Si vous voulez en savoir davantage sur Radio Grenouille, vous pouvez aller la découvrir et l'écouter sur www.grenouille888.org. Et si c'est le théâtre Tourski qui vous intéresse, vous pouvez aller voir sur www.tourski.org. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.